laisser aller, je vais la boire sa mère. Je vais la boire sa mère. Yeah. Reviens petit frère, je vais pas taper. Grosse moula, ça me ralclapé. C'est l'heure, tu déconnes, garde la choque, c'est mal. De trois Pokémon à rattraper. Viens, je crois que tout est plié, tringue. J'ai plus de frappe, je retombe, pillé le zinc. J'ai que tout seul, normal, qui tousse. Qui fout le seum comme un billet de 5. J'suis l'incendie, t'es le feu de briquet. On va pas se battre pour deux criquets. J'connais mes petits et ma pesette. J'vais recompter toute la recette. En attaque, y'a pas de poste vacant. Nique ta grand-mère en Porsche Macan. Fais pas confiance à celui qui tire la sac quand je l'ai cramé la Swiggy. On se réguette quand ça qui du sud, en quichua qui trafique du sud. J'appelle Patrick si je fais mon hat-trick. Vendage me coffre en Afrique du Sud. La rue Rennes, t'as l'heure, j'y étais. Bobigny, dépôt, JLD. Triple platine, j'esquive une peine. Bouton rouge, j'appelle Cib Ruben. L'œuvre Libis au Kadhafi. J'ai 20 lambrouilles, prête-moi ta vie. J'repense au frère devant la poste. Mort soupir avant bas la côte. Dispositif en cercle et fonce. Touche pas mes fils, touche pas ma conce. Les bouts de là, on bat les esprits. Si c'est BNF, c'était écrit. Ouais, c'est nous les mecs des cités d'Île de France. Toutes les branches, on distribue de la blanche. Dans tous les vaillés, toutes les manigances. J'encule la donne ainsi que ses conséquences. C'est qui les mecs des cités d'Île-de-France? C'est nous les mecs de cité d'Île-de-France. C'est qui les mecs des cités d'Île-de-France? C'est nous les mecs de cité d'Île-de-France. C'est nous les mecs de cité d'Île-de-France. Dans toutes les branches, on distribue de la blanche. Dans tous les vaillés, toutes les manigances. J'encule la donne ainsi que ses conséquences. C'est qui les mecs de cité d'Île-de-France? C'est nous les mecs de cité d'Île-de-France. C'est qui les mecs des cités d'Île-de-France? C'est nous les mecs de cité d'Île-de-France. Véhicule d'affranchi, on est venu d'ailleurs. Arthena, ça court, t'as senti la chaleur. Vraiment pour de vrai, dans les cités. J'prends l'argent dans des schlagags épuisés. J'vais le gaspiller là-bas chez l'épicier. J'fais que naviguer, trafiquer. Les keufs me reconnaissent comme Marvin Gaye. J'crois qu'ils sont matrixés, mais ils ont pas idée. Tout ce que j'ai liquidé, c'est l'argent des cités. On prend ton huc, on met sur Yvap. Argent ça hache, investi dans du. J'ai rendez-vous en plein cœur de Paname. J'planifie sa manne. Ils ont eu sa main, Kadhafi et sa dame. Surveille ta fille, ta reçue et ta femme. J'récupère, garde le que ça dans le canal. Fais l'enfoiré, j'envoie de la nouveauté. Bon enfoiré, tout est cellophané. Tous les mois, toute l'année, les Yankees vont canner. Mani investi dans une Maserati. C'est l'heure du meucri sur la montre Bulgari. J'me fais crever par une bande de képis en plein cœur de Ripa. J'appelle l'avocat, celui qui porte la kippa. Ressort aussitôt, vous inquiétez même pas. J'ai tout laissé dans la chatte d'Anita. J'rentre chez moi, gars, j'reste dans l'anonymat. Dans les cités, c'est la loca vida. J'demande au rêve de la jungle africaine. C'est pas du cinéma, j'ai que des idées noires. En esprit guiche, je suis une vraie moulaga. Grosse moulaga, ta Bogota. Un enfoiré comme moi, dans les quotas. Comme Fiasogo, mon équipe est au cas. Ouais, c'est nous les mecs des cités d'Île-de-France. Dans toutes les branches, on distribue de la blanche. Dans tous les vaillés, toutes les manigances. J'encule la douane ainsi que ses conséquences. C'est qui les mecs des cités d'Île-de-France? C'est nous les mecs de cités d'Île-de-France. C'est qui les mecs des cités d'Île-de-France? C'est nous les mecs de cités d'Île-de-France. C'est nous les mecs de cités d'Île-de-France. Dans toutes les branches, on distribue de la blanche. Dans tous les vaillés, toutes les manigances. J'encule la douane ainsi que ses conséquences. C'est qui les mecs de cités d'Île-de-France? C'est nous les mecs de cités d'Île-de-France. C'est qui les mecs de cités d'Île-de-France? C'est nous les mecs de cités d'Île-de-France.